pretty little one. Casser l'ordinateur. Mon ordinateur, il veut pas travailler, c'est un gros feignant, je crois que j'ai bousillé. No memory must go. working out overtime. Railway, why you make me feel so grand? I feel a million dollar when you're just in my hand. Railway, why you make me feel so sad? Thank you. Thank you. Ouais, un peu perdu. Ce sera mieux. Thank you. Ok. Thank you. E-M-F. A-M-G-E-M-F. Oh putain. A-M-G-E-M-F. Mais qui cherche. Non, l'inspiration n'a pas. Attends, j'ai perdu là. Attends, j'ai pas envoyé. Send, voilà. Cette fois, c'est la bonne. Pourquoi j'arrête ? 2, 3, 4. Thank you. Say